personne ne pourra nous empêcher de nous aimer et pour l'éternité. Je la suivrai même en enfer, personne ne pourra rien y faire. Elle est ma belle, mon éternelle, personne ne pourra nous couper les ailes. Beto, bella nago, que mamma poverona, villana goma. Beto, bella nago, que mamma poverona, villana goma. Quand je prends la mer, elle est mon embarcadère. Quand je suis sur terre, mon paratonnerre. Elle est ma belle, mon éternelle. Personne ne pourra me couper les ailes. Ghetto, mais je n'ai qu'un ma. Femme de ma vie, elle est mon génie, elle est mon escale, elle est ma cavale, elle est ma copine, elle est ma frangine, elle est mon amie, la femme de ma vie, elle est mon génie, elle est mon escale, elle est ma cavale.